nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En exergue de son recueil de critiques intitulé « Les films de ma vie », paru en 1975, François Truffaut avait placé deux citations, dont une d'Orson Welles. « Je crois que n'importe quelle œuvre est bonne dans la mesure où elle exprime l'homme qui l'a créée. » Cette phrase, qui d'une certaine manière fait écho à la fameuse politique des auteurs, qu'il avait si ardemment défendue en tant que jeune critique, peut aussi servir de clé pour considérer son œuvre de cinéaste, 21 longs métrages qui, quels que soient les sujets, les points de départ, les inspirations, lui étaient absolument personnels. Le 28 octobre 1984 sur France Culture, une semaine après sa mort, Suzanne Schiffman, Claude de Givray, William Lubchansky, Caroline Champetier, Yann Dedet et Jean Narboni étaient réunis au micro de Claude Jean-Philippe pour une émission en son hommage. Un numéro du cinéma des cinéastes qui s'ouvrait aussi par l'évocation pudique d'une autre belle figure du cinéma, tristement disparue elle aussi cette semaine-là, la veille de son 26e anniversaire, la comédienne Pascale Augier. Vous êtes en train d'entendre la musique des 400 coups, qui est, comme vous le savez, le premier long métrage de François Truffaut. Il y a des jours où le seul et simple privilège de vivre vous paraît exorbitant. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui le générique du cinéma des cinéastes a changé, et ce n'est pas seulement pour l'émission de ce soir. Dès que j'ai appris la mort de François Truffaut, et en pensant dans les heures et dans les jours qui ont suivi à l'émission que nous allions faire, la certitude m'est venue que notre générique devait changer et que l'émission lui soit désormais dédiée en permanence. Seulement, ce matin, nous sommes en train d'enregistrer l'émission vendredi soir qui passera dimanche, que vous êtes en train d'écouter. Ce matin, la voix de Caroline Champetier au téléphone m'annonce la mort de Pascale Augier. Pascale Augier qui était ici même, dans ce studio, la semaine dernière, à la même heure. Et cette fois, les mots me manquent très réellement pour dire l'injustice et la violence de la mort. Voilà, je ne peux rien dire d'autre. Ce que je pourrais... Évidemment, la tentation journalistique dans ces cas-là aurait été de vous faire entendre sa voix de la semaine dernière, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'exorbitant dans nos moyens techniques, qui est de pouvoir faire revivre sur un écran ou dans un haut-parleur la voix des gens disparus. Or, ils sont très réellement disparus. Alors, je préfère, plutôt que de vous faire réentendre la voix de François Truffaut ou celle de Pascale Augier, je préfère de beaucoup donner la parole à quelqu'un qui l'a connu sur un tournage et qui se trouvait Caroline Champetier, puisque Caroline, vous avez fait avec William Lubchansky, ici présent d'ailleurs, et Suzanne Schiffman, ici présente, le film qui s'intitule Le Pont du Nord, et dont Pascale Augier nous avait parlé la semaine dernière. Alors, Oui, j'ai connu Pascale sur le film de Jacques Rivette, Le Pont du Nord. J'ai fait sa connaissance là, je pense avec Suzanne, avec Mathieu, avec Willy. Et je pense que si on a des mots ou des films à quoi se raccrocher pour parler de François Truffaut aujourd'hui. La gorge reste absolument nouée pour parler de, et pour même envisager la mort de Pascal Augier. Alors, on va essayer de tracer ce qu'étaient les rapports de Truffaut dans son travail avec les gens qu'il aimait, parce qu'il travaillait avec les gens qu'il aimait. Voilà, alors, cette émission, bien entendu, est consacrée à François Truffaut. Alors là, vraiment, je remercie plus que je n'ai jamais remercié quelqu'un de participer à cette émission, puisqu'ils sont là, Claude de Givray, son ami intime, Suzanne Schiffman, que je n'ai pas osé appeler moi-même, parce que je pensais qu'elle ne pouvait pas parler, et qui est quand même là, pour témoigner, ne serait-ce que par sa présence, que Truffaut, lui aussi, est encore là, parmi nous. Et Yann Dedé, pour parler du montage, avec Piala et avec Truffaut, William Lumchansky, qui est le chef opérateur de La Femme d'à côté, l'avant-dernier et sublime film de François Truffaut. Alors, auparavant, avant de leur donner la parole, et Jean Arbony, pardon, excuse-moi, mais il fait tellement partie de la famille que je l'avais oublié, et qui a travaillé lui aussi avec Truffaut à la publication d'un certain nombre de livres, dont en particulier la biographie d'André Bazin. Alors, avant de leur donner la parole, je voudrais avoir une réaction alors de journaliste, tout simplement, c'est-à-dire par rapport aux clichés que j'ai lus un peu partout dans la presse, dans les biographies express qu'on a lues et entendues ces derniers temps. J'ai lu partout que Truffaut avait été un critique acerbe, violent, parfois injuste et de mauvaise foi lorsqu'il était jeune, et qu'il se serait radouci en devenant metteur en scène pour faire place à un metteur en scène tendre, généreux, délicat. Alors, il me semble que là, il y a un cliché, puisque j'ai sous les yeux un texte qui est de 77 et qui indique bien que François Truffaut n'avait jamais renoncé à la violence de ses jeunes années. Et ce texte me paraît, dans la mesure où il est un texte sur quelqu'un d'autre que lui, sur Sacha Guitry, très révélateur. Alors, je vais me permettre de le lire. Truffaut s'en prend au puritanisme, à ce qu'il appelle le puritanisme rive gauche. Les puritains de la rive gauche qui ont toujours détesté Sacha Guitry. 20 ans après la mort de Sacha Guitry, écrit François Truffaut, le puritanisme rive gauche sévit toujours. Il s'exprime aujourd'hui sous la forme d'un humanisme larmoyant. La tyrannie de la NRF était mensuelle, celle des nouveaux pédants est hebdomadaire. Elle favorise les œuvres de dénonciation. Sans s'offusquer de ce que l'auteur d'une telle œuvre s'exclut généralement de cette dénonciation. Elle a réussi à noyauter l'ensemble du corps enseignant qui imposera sérieusement l'étude des œuvres de Maurice Clavel à une jeunesse qui sait très bien découvrir seule Boris Vian. Avec son perpétuel esprit de sérieux et son respect pour la notion de grandeur, elle n'a cessé, cette intelligentsia, de jouer Breton contre Cocteau, Camus contre Queneau et Malraux contre Diberti. À cause de cela, il est impossible de dire que Sacha Guitry est venu trop tôt et qu'il serait mieux apprécié aujourd'hui. Impossible. Il serait encore là à le traiter avec condescendance, ceux qui parlent à la radio, à la télévision, dans la presse, dans les commissions et les jurys. Pour ses cuistres solennelles, des qualités d'enfance préservées comme le charme, la drôlerie, la malice, l'insolence, la fantaisie, ne seront jamais des valeurs. Et quand même elles en seraient, comment diable saurait-il les identifier ? Le plus souvent incapables d'avoir devant un livre ou un film ou une pièce une réaction personnelle, ils dissimulent leur manque de jugement en s'abritant derrière des étiquettes élitistes, sans voir qu'il n'est pas moins indécent de grouper des œuvres que des hommes et que les classifications telles que théâtre de boulevard ou théâtre d'avant-garde sont du racisme au même titre que les généralités sur les juifs, les nègres, les bourgeois ou les concierges. Enfin, ils ont le culot de prétendre décider eux-mêmes et dans l'immédiat de ce qui est culturel et de ce qui ne l'est pas. Ce sont eux qui ont inventé l'opposition ignoble entre les œuvres de réflexion et les œuvres de divertissement, comme si les 300 romans de Simenon, les 500 chansons de Charles Trenet, les pièces et les films de Sacha Guitry n'étaient pas là, justement, pour prouver que les œuvres réellement divertissantes donnent matière à réflexion. Alors, pour ce qui est de François Truffaut, auteur de films et qui a toujours cherché à faire des œuvres réellement divertissantes, il semble bien que ces films contenaient quelque chose dont nous ne prenions pas garde et à laquelle sa mort donne soudain tout son poids, à savoir que derrière la tendresse, il y avait la violence, la violence de la mort, puisque c'est d'elle qu'il est question aujourd'hui, et qu'on ne peut pas ne pas revoir Baiser volé, un film auquel Claude de Givray a collaboré, puisqu'il en était le scénariste, avec Bernard Revon et Truffaut lui-même. On ne peut pas revoir Baiser volé sans repenser aussitôt à la scène où ce détective privé est en plein travail, il téléphone, et la caméra de Truffaut est prise d'un pressentiment. Il n'y a pas d'autre mot. La mise en scène s'organise soudain tout à fait autrement par rapport à l'action qui est en cours. Et lorsque l'on revient sur ce personnage, il est mort. Il est mort au travail. Et je repense à une des scènes précédentes, à une scène qui est une scène comique et tragique en même temps, qui est une scène d'une extraordinaire violence où on voit ce personnage ne pas accepter son sort d'amoureux déçu. Il s'agit de l'homosexuel du film. Et la violence de cette réaction, aujourd'hui, laisse apparaître qu'il y avait une dimension lyrique, tragique, enfin, qui est celle de la violence, et qui court à travers tout l'œuvre de François Truffaut. Alors, bon, j'en ai fini pour ce qui me concerne, et j'espère maintenant n'avoir qu'à me taire. Et je voudrais simplement lancer cette conversation, dont je ne sais pas du tout ce qu'elle contiendra, en posant à Claude de Givray une question concernant la fin de Baiser volé, à savoir l'apparition de ce personnage qui se dirige vers Jean-Pierre Léo et Claude Jade et qui prétend être, lui, définitif, alors que eux, sur ce banc, les amoureux, ne sont que provisoires. Alors je voudrais savoir comment cette idée vous est venue, lui est venue, parce que soudain, je repense à la façon dont Léo réagit. Claude Jade lui dit, il est complètement fou ce type-là. Et Jean-Pierre Léo répond, oui, sûrement, mais il a un air très très pensif, et bien entendu, il pense que ce personnage n'est pas complètement fou. Claude de Givray. Oui, dans ce qui vient d'être dit là tout de suite, là, ce que tu viens de dire, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne la mort du détective privé, de Harry Max, c'était une idée de Truffaut, parce que c'était une histoire vraie, qui était arrivée à un producteur de cinéma, dont j'ai complètement oublié le nom, et c'était un producteur qui était mort en téléphonant, et sa secrétaire, comme ça, tout à fait... complètement dépourvu, prise au dépourvu, avait pris le récepteur et avait dit voilà, c'est pas la peine de continuer, monsieur un tel, j'ai oublié son nom, est mort. Ça, c'était dans les petites feuilles de Truffaut, puisque Truffaut travaillait comme ça. Il avait des chemises, et puis dans ses chemises, il mettait des idées, comme ça, qu'il avait, ou des faits divers. Et alors, donc, ça, c'était dans une de ses chemises, il y avait, comme ça, la mort du producteur. Et donc, ça, c'est une idée qui était une idée qu'il avait notée, qu'il voulait un jour utiliser. Quoi. Il trouvait ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que justement, il a dû se promener, enfin, il a dû garder cette feuille, et cette idée, il a dû la garder pendant des mois et des mois dans cette petite chemise. En ce qui concerne la fin, c'est très curieux, parce que quand François nous a convoqué avec Bernard, bon, avec Bernard Revon, il savait que, bon, il voulait parler de Jean-Pierre Léo, enfin, de Antoine Doinel quittant le service militaire, sortant du service militaire, mais apparemment, il n'avait pas beaucoup d'idées, enfin, il savait pas très comment ça allait se dérouler. Il n'avait que trois idées. Il savait que le film allait s'appeler Baiser volé. Ça, c'était, et il nous avait même dit en riant, il nous avait dit, bien sûr, les distributeurs, voudrait que ça s'appelle « Que reste-t-il de nos amours ?» puisque c'était « Baiser volé » étant le second vers de la chanson. Alors il y avait cette idée-là, il y avait l'idée du « Oui, monsieur », qu'il avait noté aussi, quelque part, quelqu'un lui avait raconté, et en retravaillant avec Bernard Revon, on s'est aperçu que c'était dans les mémoires d'Anatole France. Mais ça, c'était comme ça, parce qu'on a lu les bouquins sur l'adolescence, et on a retrouvé ça dans les mémoires d'Anatole France, mais même, je crois que François l'avait pas, on l'avait raconté l'histoire, il l'avait noté, et puis il y avait cette fin. Or, cette fin, c'est très curieux. Celle-là, alors là, vraiment, c'est mystérieux, on ne sait pas d'où elle vient. Et ce que je peux dire aussi, c'est que naïvement, avec Bernard Revon, quand on a travaillé sur le scénario, on a essayé comme ça, désespérément, d'inclure ce personnage, qui est incarné par Serge Rousseau, de l'inclure dans l'histoire. Et François était fou furieux, il disait, mais non, pas du tout. Il voulait, à la limite, que ce personnage vienne comme des cheveux sur la soupe. C'est curieux, parce que nous, on avait peur avec Bernard Revon. On se disait, comme s'il y a déjà une histoire de détective, si en plus il y a Serge Rousseau qui suit, les gens vont s'y perdre. On croyait pas que, comme ça. Alors on essayait, comme ça, d'en faire un voisin de palier, ou des choses comme ça, un peu bête, quoi. Et lui, au contraire, il voulait que ce personnage arrive comme un cœur antique, quoi. Et puis, comme ça, mystérieusement. Alors, il y avait aussi l'avantage, c'est qu'il se disait, c'est formidable, parce que justement, il y avait un mystère. Il était très très attaché à cette idée de mystère dans les scénarios. Donc évidemment, le personnage de Serge Rousseau qui se balade comme ça dans le film. Et puis cette fin. Et cette fin, évidemment, c'était pour éviter le côté anecdotique, au lieu de finir bien aussi. Alors on peut dire aussi que ça venait de Hitchcock. Une leçon de Hitchcock était qu'il ne fallait jamais qu'un film, qu'une happy end soit complètement heureuse. Donc il fallait qu'il y ait un petit climat d'inquiétude. Mais dans ce cas-là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer comme truc scénaristique. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Je sais pas ce que t'en penses, Suzanne. Oui. Je sais plus. J'ai l'impression que ça venait aussi, puisque François est un grand lecteur de faits divers. J'ai l'impression que ça venait aussi d'un fait divers. Et en ce moment, j'ai pas beaucoup de mémoire. Je saurais plus dire le fait divers que c'était, mais je suis à peu près certaine que ça venait de quelque chose qui l'avait frappé et qui était un fait divers, qui était comme ça l'histoire d'un amoureux caché qui avait suivi quelqu'un. C'était, et en plus, c'était une chose qui revenait souvent. C'est-à-dire qu'on en a parlé pour d'autres films de personnages qui n'étaient pas celui-là, mais qui avaient le même rôle, qui avaient, d'ailleurs, cette idée de définitif et de provisoire, c'est une idée qu'il a reprise dans La Sirène du Mississippi, différemment. Je sais pas si... Les petites annonces aussi, non? Non, pas seulement les petites annonces, il y avait cette scène sur la terrasse entre Catherine et Jean-Paul à Aix, quand ils étaient à Aix, après qu'ils soient retrouvés, où il lui disait qu'il avait espéré le définitif, voilà, qu'il avait rêvé de définitif, et puis quel était le provisoire, et que c'était elle qu'il aimait, voilà. Ça. Effectivement, d'ailleurs, pour en revenir à Baiser volé, là, c'est-à-dire que tout Baiser volé, pratiquement, est fait de faits divers. Et ceux que François n'avait pas encore engrangés, on a été les chercher pour lui. C'est-à-dire qu'avec avec Bernard Revon, on a été voir un type qui était très sympathique, avec cette agence de détective à Saint-Lazare, et qui a été formidable. Au début, comme François était très, très... comme ça, il n'aimait pas apparaître. Donc nous, on a été trouvé ce patron de cette agence, et on lui a dit, on fait quelque chose pour la télévision. Comme ça, on s'est présenté tous les deux. On n'a pas dit Truffaut était dans le coup pour ne pas perturber comme ça la personne. Il se trouvait que ce type était un cinéphile fantastique, il allait tout voir, le film de Godard, tout ça, il allait tout voir. Et alors il nous a ouvert son cœur, comme ça, il nous a tout raconté. Il a dit, alors il nous disait tout le temps, je suis au cœur du cœur humain. Parce qu'il était très content de, finalement, non seulement c'était des enquêtes qu'il faisait, n'étaient pas uniquement des enquêtes, surtout d'adultère, des choses comme ça, mais qu'il faisait aussi d'autres enquêtes. Et alors il nous a raconté un certain nombre d'enquêtes, comme ça, on a travaillé au magnétophone avec lui. Et notamment, il nous a raconté toute l'histoire de l'homosexuel. C'est entièrement un interview qu'on a fait avec lui, y compris, et ce qui ravissait Truffaut, cette histoire que ces détectives ne sont pas du tout des malabars, des forts à bras, ce sont des gens comme ça. Il y a même, parmi les femmes détectives, par exemple, il y a même une script girl, pour dire, c'était pas des Superman. Et donc, même l'histoire du dentiste. Oui, l'histoire est venue, du dentiste, c'était une histoire complètement vraie. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homosexuel est devenu fou furieux en apprenant que son petit ami était marié, et ils ont été complètement, tous ces détectives, complètement pris de court, n'arrivant pas à le maîtriser. Ils ont été frappés à la porte du dentiste qui était au-dessus. Et ça, c'est une histoire telle quelle. Oui, alors, Claude, tout de même, parce que je voudrais pas qu'on s'écarte de cette idée du provisoire et du définitif, parce que, après tout, le personnage du définitif, c'est aussi le personnage de la chambre verte. C'est le personnage de la chambre verte. Oui, ça, c'est vrai. C'est le personnage du définitif, mais c'est aussi le personnage qui découvre qu'il s'est trompé. C'est ce qu'il découvre à la fin, c'est la seule chose qu'il découvre, que la vie est faite avec le provisoire, que la vie n'est pas faite avec le définitif. Le définitif, c'est la mort. La vie, c'est le provisoire, et que c'est le provisoire qui est le plus fort et qui est le plus important sans arrêt. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette intérêt, cette passion de François pour les faits divers, pour les petits incidents qu'on lui racontait, qu'il notait, qu'il et dont il faisait la chair de ses films, des incidents où qu'il avait vécu, où ça a été très fort aussi pour La Nuit Américaine. Très fort pour La Nuit Américaine. Il a cité lui-même des incidents de ses propres tournages. Certains de ses propres tournages, oui. L'histoire du chat, c'est un incident de ses propres tournages. Mais c'était la vie. Mais il y avait toujours cette lutte entre le provisoire et le définitif chez François, parce que pour lui, le définitif, c'était aussi le cinéma, peut-être. C'était un peu le sens de ce qu'il disait à Léo dans La Nuit Américaine. C'est-à-dire, la vie, elle peut pas être réussie. Notre vie à nous, c'est le cinéma, parce que le cinéma, on peut... Un film, on le fait, on le contrôle, il avance comme un train dans la nuit. Et... Enfin, ce qu'il dit dans un autre texte, oui, justement. Le texte sur le fait que le cinéma, c'est une ligne ascendante et la vie, c'est une ligne descendante. Oui, Caroline, est-ce que vous l'avez sous les yeux, est-ce oui, que vous pouvez nous le lire? Il existe dans l'idée même de spectacle cinématographique une promesse de plaisir, une idée d'exaltation qui contredit le mouvement de la vie, c'est-à-dire la pente descendante, dégradation, vieillissement et mort. Je résume et je simplifie. Le spectacle est une chose qui monte, la vie quelque chose qui descend. Et si l'on accepte cette vision des choses, on dira que le spectacle, contrairement au journalisme, remplit une mission de mensonge. Mais que les plus grands hommes de spectacle sont ceux qui réussissent à ne pas tomber dans le mensonge, et qui font accepter au public leur vérité, sans toutefois heurter la loi ascendante du spectacle. C'est la préface au livre... Au film de ma vie. Au livre, oui, qui est un livre dont on ne parle pas assez, parce qu'on parle très très très souvent du Hitchcock-Truffaut, et c'est un livre extraordinairement précieux si l'on veut connaître le fond de la pensée de François Truffaut vis-à-vis des films qu'il a aimés et admirés. Et je trouve que là, il s'explique magnifiquement sur le... Sur ce cliché qu'on n'arrête pas de répéter depuis une semaine, qui est soi-disant l'assagissement de François Truffaut. Je trouve que là, il explique comme quoi, étant rentré dans la loi du spectacle, qui n'est pas la loi, qui est simplement celle du spectacle, il a essayé de faire son travail avec une extrême conscience de ce qu'étaient les cartes du jeu, quoi. Et que, contrairement à d'autres cinéastes qu'on admire pas moins, comme Jean-Luc Godard, il ne faisait pas la critique de ses propres films à l'intérieur de ses films mêmes. Il avait en ça un respect étonnant des places à prendre et des places à garder, et qu'il essayait vraiment de faire un film dans la position de celui qui allait le voir. Il était déjà dans la position du spectateur quand il travaillait ou quand il cadrait. Oui, William Ouchansky. La grosse différence pour moi, pour avoir travaillé avec François Truffaut et les autres metteurs en scène, la grosse différence, c'est que tout ce qu'il pouvait dire sur un plateau à propos de n'importe quoi, je veux dire à propos d'un cadre, de la lumière, des comédiens, de tas de choses, ce n'était pas ce que l'on voyait avec nos yeux, mais c'était par rapport à ce qu'il y aurait sur un écran. C'est-à-dire qu'il y avait une distanciation, il y avait un saut énorme et monumental, parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui sont capables de le faire, c'est que tout ce qui se disait était par rapport à l'écran. C'est-à-dire qu'il était capable de visualiser ce qu'il y aurait sur un écran, aussi bien tout bêtement comme ça, mais aussi au niveau du montage, de le voir avant ou après. Et ça, c'était une chose fantastique. C'est-à-dire que rien n'était anecdotique, et c'est pas avec les yeux qu'il fallait voir, mais il fallait essayer de passer à l'étage au-dessus. Il y a cette anecdote formidable. Suzanne, je ne sais pas si on te l'a déjà racontée, parce que Willy et moi, ça nous avait vraiment frappé. Fanny était allongée, elle était donc à l'hôpital après sa dépression nerveuse, et il y avait une infirmière près d'elle, et un goutte-à-goutte entre l'infirmière et elle. Et Truffaut demande à Willy, vous êtes sûr, William, qu'on voit bien que le goutte-à-goutte est dans le bras de Fanny et pas dans le bras de l'infirmière. Et bon, la question était effrayante pour nous, parce que c'est évident que le goutte-à-goutte était dans le bras de Fanny, puisque c'est Fanny qui était malade. Mais déjà ça, c'était du raisonnement. Il voulait que ce soit immédiat. Oui. Alors il a fait changer le goutte-à-goutte de côté. Oui, il l'a fait changer de côté. Tu te souviens ? Il l'a fait changer de position, de hauteur. Il n'avait jamais peur. Je sais que je me suis battue avec d'autres metteurs en scène qui refusent de tricher. Il n'avait jamais peur de tricher. Il n'avait pas peur de tricher parce qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, ce n'est pas ce qu'on voit devant ses yeux quand on est en train de tourner. Ce n'est pas la pièce où on est. La vérité, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Exactement. Donc, si cette vérité est sur l'écran, et si pour que cette vérité passe, il faut monter une table de 40 cm, on la monte. Et puis, s'il y a, à ce moment-là, on peut avoir à la fois la tête de l'acteur et le téléphone qui joue, eh bien, on a la tête de l'acteur et le téléphone qui joue. Parce que c'est ça que l'image raconte à ce moment-là, et c'est ça qui fait passer le sentiment qu'il veut faire passer. Je crois que c'est, j'ai envie de dire modestie, puis c'est pas vrai, que c'est un manque de narcissisme. Voilà, c'était le metteur en scène le moins narcissique que j'ai rencontré. C'est-à-dire que c'est pas lui qu'il était en train de montrer à tout le monde, c'est qu'il pensait à une histoire qui devait, et avec laquelle il fallait intéresser les gens. Et simplement, faire une image qui veut dire quelque chose. Non, c'est la raison pour laquelle... les films de Truffaut, moi, une chose qui m'avait frappé quand la première fois que je l'avais interrogé pour le cinéma et cinéa, c'était remonté il y a des années. Je lui avais fait parler du cinéma en général et il m'avait raconté ses années de cinéphile après la guerre. Et il m'avait dit qu'en découvrant à la fois des films qui n'ont rien à voir, Citizen Kane et Les Dames du Bois de Boulogne, par exemple, il avait découvert que ces films pouvaient être aussi. Alors, il avait employé le mot amical. Amical comme un roman. Oui. Et quand je pense au film de Truffaut, je ne peux pas ne pas penser que ce sont des gestes d'amitié envers moi, spectateur lambda perdu dans la salle. Oui. Et c'est ça qui nous rend d'ailleurs aujourd'hui sa perte tellement déchirante. Alors, on parlait de l'image, mais je voudrais en venir au montage parce que le premier spectateur, c'est là qu'il se place. C'est le jeune, le très jeune Yann Dedet. Vous aviez quel âge, Yann Dedet ? Les deux Anglais, je devais avoir 25 ans quand je l'ai monté. Et moi, j'ai tout à fait la même impression que William Lubchansky, c'est-à-dire que quand je suis premier spectateur, ce que je vois sur l'écran, je comprends que le type qui a filmé ça, il ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans le film fini, c'est pas qu'il connaît l'objet terminé que ça va être, mais c'est vrai qu'il sait, pour faire cet objet fini dont il rêve, il sait exactement comment il faut faire bouger les gens. Il ne sait pas si c'est le mouvement droite-gauche ou le gauche-droite peut-être qui sera finalement dans le film. Il sait comment il faut les faire bouger, il sait comment il faut les placer. Ça se voit tout de suite, c'est exactement ce que disait Uli, quand on voit les rushs, que tout est réfléchi. Il y a bien sûr des choses qui vont à la pêche, mais... Et puis il peut faire des erreurs, et puis il oui, peut les reconnaître. Bien sûr. Au montage, il les reconnaît très vite. François est quelqu'un qui n'hésite absolument pas à jeter les choses à la poubelle, à recommencer tout. Exactement. Ça, c'est absolument magnifique. Ce qui est formidable, d'ailleurs, c'est que je trouve qu'il peut monter un film, ça c'est très rare pour un réalisateur, il pouvait monter un film comme s'il ne l'avait pas tourné. C'est-à-dire qu'il y a, quand on est réalisateur et qu'on filme des choses, on est bêtement attaché à certains plans parce qu'on a le souvenir qu'on a eu beaucoup de mal à le faire, parce qu'on a fait lever une équipe à 5 heures du matin, ou des choses comme ça idiotes. Et on tient compte souvent de la difficulté qu'on avait pour faire ce plan et on veut absolument le mettre. Et c'est pour ça que c'est évidemment tellement important l'avis d'un monteur qui, lui, n'était pas là. C'est qu'en général, le monteur sent ces choses-là en disant, bon, ce plan-là n'a aucun intérêt pour l'histoire et tout ça. Mais il y a beaucoup de réalisateurs en plus qui ne veulent pas tenir compte de l'avis des monteurs. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'en est compte. Mais en plus de ça, c'est qu'il pouvait complètement se dédoubler et éventuellement reconnaître justement qu'il s'était trompé. D'ailleurs, c'est ça qu'il disait, d'ailleurs. François disait souvent, il fait un scénario. Il tourne contre le scénario et il monte contre le tournage. Oui. Avec en même temps quelque chose qui peut sembler... Alors, qui est une... En revoyant l'autre jour La Nuit américaine... J'ai été très frappé par la réaction de Nathalie Baye, qui est vous, Suzanne, il n'y a pas l'ombre d'un doute, puisque c'est un metteur en scène qui est joué par lui et qui est flanqué d'une script girl dont on sent bien qu'elle n'est pas seulement une technicienne, mais qu'elle est là pour donner son avis en permanence. Il y a quelque chose qui m'a terriblement frappé, c'est, et si, alors c'est la scène, on voit le métro, la place de Paris reconstitue à Nice, etc., et puis, alors qu'au début on l'a vu tout à fait normal, quoi, par un temps gris, normal, parisien, et s'il neigeait ? Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. La neige est arrivée comme ça. Je ne sais plus pourquoi on en a parlé, et je ne sais plus pourquoi j'ai dit la neige. C'est arrivé comme ça, et c'est devenu un dialogue du film. Et par contre, des fois, c'était dans le sens de ce que voulait François, des fois, c'était dans le sens contraire, parce que la scène où Nathalie Baye et François parlent de la rencontre de Jean-Pierre Aumont et de Jacqueline Bisset dans la cuisine, et où Nathalie dit « Mais pourquoi la cuisine ?» Et je me suis engueulée avec François pendant 20 minutes là-dessus. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi la cuisine, François? Pourquoi la cuisine? Et les arguments qu'il donne à François Truffaut dans le film, enfin à Ferrand, c'est les arguments que François... C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand il y avait une lutte comme ça, ça se retrouvait dans les éléments du film. Voilà, on discutait et c'est vrai que c'était des mots à moi, mais vous voyez, ça ne veut pas dire que je disais toujours les choses qu'il fallait faire. Des fois, il y avait des choses que je ne comprenais pas et qui m'expliquaient, ou il m'expliquait pourquoi il voulait les faire comme ça. Et ça se retrouve dans le film. C'est parce que, ben oui... C'est un film qui était fait avec notre vie de film. Avec... Oui, alors là, il faut en parler parce que Yann Dedé a dit à France Inter le lendemain de la mort de François Truffaut, il a dit, il a parlé soudain de quelque chose qui, moi, m'est étranger, puisque vous tous qui êtes autour de la... Enfin, sauf peut-être Jean Narboni, vous avez un jour ou l'autre fait partie de la famille des films du Carros. Et Yann Dedé a dit, on entrait dans une famille, dans la famille des films du Carros. Alors moi, je voudrais que vous en parliez un peu quand même, parce que je sais bien que c'est difficile. C'est un peu dur quand on est orphelin, parce que, je sais pas, parce que c'était comme ça. C'est un peu très tôt, hein, c'est ça. Moi, je compare, enfin, je l'ai cité déjà, l'histoire du petit tiroir qu'il avait à l'époque des cahiers du cinéma. Oui. Il avait donc c'est tout ce qu'il avait à l'époque des cahiers du cinéma. Il y avait une grande pièce. Puis dans cette pièce, il y avait Daniel Valcroze, il y avait Bazin, venez-moi, parce qu'il était malade. Il y avait donc Éric Rohmer. Enfin bon, les gens passaient. Et le seul chose qu'il pouvait revendiquer tranquillement, surtout qu'il n'était pas rédacteur en chef, on soit loin de là, c'était un petit tiroir. Et dans ce tiroir, il avait du papier, il avait deux ou trois bouquins. Et puis, il devait peut-être avoir une machine à écrire quand même. Bon. Et c'était ça, son tiroir. Et voilà, il venait prendre possession de son tiroir à midi, parce qu'il venait déjà au bureau. Donc il venait à son tiroir. C'est vrai, mais le bureau du Carros, c'était plus qu'un bureau. Voilà, alors après, bien là, sûr, c'était donc, beaucoup plus qu'un bureau. Il a pu s'établir grâce à l'argent qu'il avait gagné donc sur les 400 coups. Alors effectivement, il a eu les films du Carros, qui d'abord n'étaient pas à l'adresse que l'on connaît, là, mais qui étaient donc rue Quentin-Bochard. Et alors, bon, très vite, c'est ça, il avait son bureau. C'était un outil de travail, quoi. Oui, mais c'était plus chaud qu'un outil de travail. Et pour lui aussi, c'était pas seulement... Bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que... Ça l'était pour les gens qui ont travaillé avec lui, même Quentin Bochard, il avait même une table de montage. Oui, il y a eu une table de montage à un moment. Parce que ceux qui ont travaillé avec lui, même si ça n'a été que sur un film ou deux films... ou trois films, ça restait des gens de la famille. On savait, ils savaient qu'ils pouvaient venir voir François, ils savaient qu'ils pouvaient venir lui parler, ils lui portaient leurs projets. C'est vrai, hein, Yann. Oui. Lui piquait des bouquins, parce qu'il avait une bibliothèque. Et on lui piquait pas, il les offrait. Absolument. Il adorait. Il les achetait en double. Il les achetait en 10 exemplaires pour les offrir. Il aimait qu'on lise les livres qu'il aimait. Et, bien sûr. Bon, Jean Narboni, je crois que tu veux dire quelque chose, là. Oui, je n'ai eu de relation avec François Truffaut que professionnelle, de travail. Mais étant donné que si quelqu'un vérifiait l'adage godardien, d'une certaine façon, selon quoi le travail et l'amour ne doivent pas se séparer, c'est bien Truffaut. Donc d'une certaine façon, à travers les relations professionnelles que j'ai pu avoir avec lui, j'ai vu à l'œuvre constamment sa capacité non seulement d'aimer, mais d'admirer les livres ou les gens, les livres, mais aussi de faire partager cet amour. Ça, c'est très important. Et je voudrais dire quelque chose. Là, au moment où je suis arrivé au Cahier, Bazin était mort, les cinéastes de la Nouvelle Vague avaient tous commencé à faire des films, n'écrivait plus ne faisait plus de critiques, etc. Et puis les cahiers jaunes s'arrêtaient au numéro 159. Et je crois que Truffaut, à un moment, a pensé, disait, il faudrait s'arrêter, faire une autre revue avec une nouvelle équipe. Peut-être aussi n'était-il pas tout à fait d'accord avec un angle critique que la nouvelle équipe adoptait. Et très amicalement, il pensait que nous devions, et ceux qui m'avaient même précédé immédiatement, devaient fonder une autre revue, puisqu'en plus le format changeait, il y avait d'autres propriétaires d'une certaine façon. Mais il continuait à suivre très régulièrement ce qu'on faisait. Et fin 69, il y a eu une très grave crise au cahier, et la revue s'est arrêtée 3 ou 4 mois, elle a failli disparaître ou changer tout à fait de statut. Et on a vu réapparaître les anciens, tous les soirs, régulièrement, en conseil de guerre, en discussion, et François Truffaut. Et je crois que si les cahiers, aujourd'hui, continuent à fonctionner, à paraître, c'est dû en grande partie à lui, parce que c'est lui qui, à la fois personnellement et en réunissant des amis, et aussi l'argent de ses amis et le sien propre, a permis que les cahiers reprennent leur autonomie absolue financière à ce moment-là. À un moment où il était relativement loin de la revue, ça je tenais absolument à le dire. Maintenant, pour ce qui est de ce dont vous parliez, les films de ma vie, les films de ma vie, il y a en exergue une citation d'Henri Miller. Et je pense qu'il a pensé à ce livre magnifique d'Henri Miller qui s'appelle « Les livres de ma vie ». Et quand on lit un peu la préface d'Henri Miller, qui était un très grand admirateur de Jean Renoir, ça Truffaut m'en avait parlé une fois. Un ami, je crois. On voit tout à fait ce qui pouvait se jouer là, en particulier sur la capacité d'aimer les livres par-dessus tout, mais aussi absolument comme n'importe quoi, c'est-à-dire comme un élément de la vie, et puis surtout de faire partager cet amour. Ça, c'est dans la préface d'Henri Miller. Ça s'appelait, je crois, « Ils étaient vivants et ils m'ont parlé » ou quelque chose comme ça. Et c'est cette phrase que reprend Truffaut en exergue de son livre. Caroline ? Oui, moi j'aimerais bien que Suzanne, Claude et Willy nous expliquent un peu quelque chose qui est un paradoxe chez Truffaut et que les gens comprennent très mal, c'est l'idée de l'assagissement et de la violence. Là, j'ai un tout petit texte qui date de 75 qui dit « J'étais un bon critique, je ne sais pas, mais je suis certain d'avoir toujours été du côté des sifflés contre les siffleurs et que mon plaisir commençait souvent où s'arrêtait celui de mes confrères au changement de ton de Renoir, aux excès d'Orson Welles, aux exigences de Pagnol ou de Guitry, aux anachronismes de Cocteau, à la nudité de Bresson. » Et ça, j'en suis absolument certaine dans ces films, et je pense que dans La femme d'à côté, c'est un paradoxe qu'il arrive à mener très loin. C'est le rapport entre la quotidienneté et la violence, et une violence qu'on a très souvent du mal à jauger et à déterminer dans son cinéma. Oui, parce que c'était la tentation justement de quitter, enfin c'était le risque de perdre le public en chemin, Suzanne Schiffman, tout de même. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il est resté violent jusqu'au bout ? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas la même violence. C'est cette violence qui lui donnait la force d'attaquer et d'essayer de détruire les choses qu'il aimait pas. Il l'avait muée en une violence pour les choses qu'il aimait. Voilà. Mais c'était quand même la violence. D'ailleurs, les seuls textes critiques qu'il a accepté d'écrire quand il est devenu metteur en scène, c'était sur les films qu'il aimait et qu'il voulait défendre. Et c'est, je veux dire, on peut aimer avec violence, on peut pas seulement... Oui, c'est tout le sens de La femme d'à côté. Oui, oui, aussi, mais c'est vrai que ça, c'est une violence qui finit par détruire. C'est une violence qui mène à... C'est un amour, enfin, un amour d'une telle violence est un amour qui mène à la mort. Mais c'était aussi l'idée que... qu'il avait, c'était pas seulement sur la violence, que les passions sont à tout le monde, que les passions sont pas le fait d'une élite, que les gens qu'on côtoie dans la rue et qu'on connaît pas ont des sentiments aussi raffinés, aussi lyriques, aussi qu'un CRS peut se suicider par amour. Pardon ? Qu'un CRS peut se suicider par amour. C'est une idée, je crois, qui est peut-être d'Audiberti. Oui. Un scénario ça, de Liberty pour Baratier. Alors, non, bien sûr qu'il n'a pas perdu cette violence. C'était un faux polémiste. C'est ça le malentendu, c'est qu'on a cru à l'époque des cahiers de Hart que c'était un polémiste. Alors, mais finalement, un polémiste n'est toujours que polémique et ne fait que des articles dans le sens négatif pour descendre des gens. Or, François, c'est, on a retenu les articles qu'il faisait pour descendre les films qu'il n'aimait pas. Mais d'un autre côté, c'est fou. Et moi, c'est ce que j'admire le plus parce que c'est ça le plus dur à faire. Oui, c'est de faire des articles pour dire qu'on aime les gens. Oui. Et ça, c'était dur. Et plus on aime, et plus c'est difficile. Hein. Plus c'est difficile, exactement. C'est très difficile de défendre. À l'époque, c'est très difficile de défendre Pagnol ou Sacha Guitry, par exemple, parce que on vous jetait dans la figure, c'est du théâtre filmé. Et puis bon, il fallait ramer pour trouver des et puis trouver des arguments aussi. On aime à l'époque, et moi c'est ça que j'admirais le plus quand j'étais petit cinéphile et que j'étais à leur remorque, si j'ose dire, et que j'admirais le plus. C'est que moi, par exemple, instinctivement, moi j'aimais beaucoup les films de Hawks. J'aurais été bien incapable de dire pourquoi je les aimais. Et ce que j'admirais vraiment fantastiquement dans ce que faisait Jacques Rivette ou Truffaut, c'est qu'ils arrivaient justement à argumenter, à trouver des arguments pour les défendre. Même chose pour Hitchcock, enfin, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail de construction fantastique, quoi. Mais c'est vrai aussi, François me racontait que très jeune, c'est drôle, il était à l'école communale, c'était à l'époque de la sortie des Dames du Bois de Boulogne. Et le professeur de lettres, enfin le professeur de français, puisqu'il était le communiste, le professeur de français avait démoli le film en classe, et fait de l'humour facile. Et il s'était mis, donc, c'était un de ses premiers trucs, il s'était mis dans sa tête à défendre les Dames du Bois de Boulogne, qu'il avait vu, parce que, bon, déjà, il n'avait pas du tout la manière dont son prof en disait du mal. Mais c'est vrai qu'il est... Non, c'est simplement, je crois, qu'il s'est peut-être un peu légèrement... Enfin, à s'agit, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que c'est vrai que François, quand il faisait un film, quand il est... un scénario, mais aussi quand il faisait un film, quand il le tournait, quand il le montait, c'était toujours une bagarre perpétuelle dans la mesure où il se critiquait régulièrement. Mmh. Donc effectivement, et même à un moment donné, même bon avec Stephen Schiffman, il a beaucoup travaillé sur Vivement Dimanche. Il a même cru à un moment donné que au début sa maladie était psychosomatique, c'était dû au fait qu'il avait beaucoup investi dans Vivement Dimanche, ce qui fait que d'une manière générique comme ça, il a du respect pour n'importe quel cinéaste dans la mesure où il va au feu. Après, il peut critiquer ses idées. Oui. Hein, bien sûr, il est contre le film ou pas. Mais quand même, d'emblée, c'est peut-être pour ça qu'il s'interdisait après de démolir les films. Parce qu'il y a aussi le fait que c'est quand même un type qu'on... Bon, on va pas dire de nom, mais même des types comme ça qu'on aime moins. Eh bien, de toute façon... Et puis aussi, il y avait cette idée, je crois que... Moi, je l'ai vu engueuler un peu des jeunes qui étaient contents qu'un film qu'ils n'aimaient pas ne marche pas. C'est une réaction. Oui, lui, ça. Il aimait que les films. Et alors, lui, il était furieux parce que pour lui, quelque part, un film qui ne marche pas, c'est la mort du cinéma. Oui. Alors, c'est un aveu d'impuissance de la part du réalisateur, c'est de l'argent qui ne rentre pas, c'est une industrie qui ne fonctionne plus, des laboratoires qui ne vont pas travailler et tout ça. Oui. Donc, il y avait aussi cette idée. Il y avait, c'est une anecdote, il y a un film qu'on a vu, c'était pendant le tournage de La Sirène, à Aix, on était allé voir un film. D'un metteur en scène, d'ailleurs, que François avait critiqué, puis respectait quand même. Et il m'a, film qui était très raté, il m'a dit en sortant, il a fait le film avec toutes les théories que je mets dans mes articles. C'est quelqu'un qui croit à toutes mes théories, parce que quand tu dis, c'est vrai qu'il avait des théories, enfin, qu'il était capable d'argumenter et tout, mais en même temps, quand il faisait un film, il le faisait plus sur des théories. À part celle que ce qu'il y a sur l'écran, c'est la seule chose qui compte, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. Alors, bien entendu, nous ne cesserons certainement pas de revenir au long des semaines qui nous attendent sur les films de François Truffaut, parce que cela reste, on les revoit, et cela ne cesse pas de nous inspirer. Il y a tout de même quelque chose, moi, qui m'a frappé dans un de ses derniers écrits, sur Hitchcock, parce que quand un artiste parle d'un autre artiste, il a tendance parfois à parler de lui-même. Et vous dites qu'il y avait chez Truffaut l'idée que les passions sont communes, appartiennent à tout le monde, et que c'était un très profond démocrate. Mais en même temps, c'était un aristocrate épagnable. Quand il écrit d'Hitchcock, Hitchcock a organisé toute sa vie en sorte que l'idée ne vienne jamais à personne de lui donner une tape dans le dos. On peut le dire aussi de François Truffaut, non? Je sais pas. Oui, je sais qu'il n'avait pas le tutoiement facile. Voilà. Il y avait un respect quand même sur le plateau. Il n'avait pas le tutoiement. François qui était, par rapport aux autres metteurs en scène d'autres films, qui était moins important. C'est ce que je veux dire, qui était plus important avec Truffaut. Mais en même temps, il avait le tutoiement facile avec les enfants. Il avait un rapport, et ce n'était pas un tutoiement... De mépris, c'était un tutoiement d'égalité. Et c'était comme ça. Mais oui, il s'est protégé. C'est vrai qu'il s'est protégé et qu'il n'aimait pas que les gens qu'il n'avait pas choisis lui donnent des tapes dans le dos. Mais je vois. Oui, Jean Arbony. Quand nous avions fait un numéro spécial sur Hitchcock, quelques mois après la mort d'Hitchcock, j'étais allé voir évidemment Truffaut, qui m'a énormément aidé. Et je lui ai demandé d'écrire là-dessus. Bon, pour lui, c'était trop tôt. Hitchcock venait de mourir. Il n'avait pas envie. Et il s'est contenté de me donner un tout petit texte, qui était un texte d'Henry James. Il m'a dit, voilà. Donc, ce sera Hitchcock, par Henry James, virgule, par François Truffaut. Et bon, l'événement avait tellement frappé que je me demande si on a fait tellement attention au contenu de l'extrait qu'il m'avait donné. C'était un extrait de La Bête dans la jungle. Et dans cette nouvelle, Henry James décrit un personnage qui, donc, pour Truffaut, à ce moment-là, est Hitchcock, mais je crois aussi que ça peut s'appliquer à Truffaut. Et c'est un personnage dont James dit en substance, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas une minute de tranquillité dans la vie, qui n'a pas arrêté de réfléchir, d'être tourmenté, de souffrir, d'être agité de tension, mais il considérait de la plus grande politesse de ne pas le montrer, de ressembler à n'importe qui, d'être extrêmement banal, de raser les murs, d'une certaine façon, d'être gris sur gris. Et il était toujours très agacé quand les gens disaient « qu'est-ce que je souffre ?» etc. Parce que lui, qui n'avait pas eu une minute de tranquillité, trouvait que ces désaccès en faisaient beaucoup apparemment et préférait être d'une très grande civilité, d'une très grande politesse et puis d'une très grande banalité. Oui, je ne peux pas ne pas penser à une autre phrase de Truffaut sur un autre immense cinéaste qui s'appelait Ernest Lubitsch. Et un des derniers articles, enfin des derniers grands articles de Truffaut dans les cahiers de l'époque des années 60, c'était le numéro Lubitsch, et la phrase finale était Ernest Lubitsch était un prince. Or moi, si j'avais à dire en une phrase qui était François Truffaut, j'ai envie de le paraphraser et de dire François Truffaut était un prince. Oui, je crois que les plus grands princes, c'est ceux qui sont aussi un peu des voyous. Exactement, parce que c'est vrai aussi qu'il avait, d'une certaine manière, là on en revient à sa violence, il y avait un côté loubard chez François. Oui. C'est vrai, je crois que Depardieu l'a très bien dit aussi, parce qu'on parlait leur entente justement au fait qu'ils avaient eu... Bah, la fascination qu'avait François pour Gérard, et la relation, qu'ils ont eue tous les deux venait de ça, bien sûr, et même... dire l'admiration que François a eue pour Jean Genet. Absolument. Et on peut dire aussi que les grands princes de jadis étaient des loups. Mais en même temps, je me souviens aussi très très nettement, parce que tout est double avec lui, hein, bien entendu, toujours. Oui. Et c'est que je me souviens aussi qu'il me l'a dit, et une fois, c'était dans les années 60, au moment où on faisait l'émission Cinéaste de notre temps de Jeannine Bazin et André Labarthe. Tu t'en souviens, Claude de Givray? Et je me souviens, alors qu'il parlait de son deuxième film, tiré sur le pianiste, et il parlait des gangsters. Et soudain, il nous a dit avec une espèce d'ingénuité totale, je n'aime pas les gangsters. Je n'aime pas les gangsters. Quand le film est ressorti, je lui avais posé la question il avait levé un peu le voile sur son enfance en disant quand j'étais enfant du côté de la place Kitschy, je l'ai rencontré, je l'ai croisé dans les bistrots et je l'ai trouvé grossier. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui une très profonde, c'est pour ça la tape dans le dos. Il y avait une très profonde horreur de la familiarité fausse, enfin de la grossièreté donc. De la vulgarité. De la vulgarité, oui. Pas de la grossièreté. Oui, non, de la vulgarité. Oui. Il en a beaucoup souffert. C'est vrai qu'il allait au cinéma tout le monde, à 8 ans, 9 ans, il allait au cinéma à Pigalle. Et c'est vrai qu'on en a parlé récemment, il en avait beaucoup souffert du fait qu'il y allait en rasant un peu les murs, parce qu'il avait vraiment physiquement un peu peur, parce que c'était rempli de loubards, ou de gars qui essayaient de le draguer aussi. Enfin, il y avait des choses comme ça. Donc ça, très curieusement, on retrouve un peu, mine de rien, la parabole du commissariat de police de Hitchcock. C'est-à-dire que le commissariat de police de Truffaut, c'était la place Pigalle ou la place Blanche. Et ce qui fait peut-être aussi, enfin, c'est pas, il y a d'autres choses, qu'il était, effectivement, il se méfiait beaucoup des films de gangsters. D'ailleurs, il n'y est jamais revenu, il n'a jamais envisagé un autre tiré sur le pianiste. Il a fait d'autres films policiers. Mais enfin, même dans Tiré sur le pianiste, c'était de la poésie pure. Oui, il en a fait. C'est autre chose. Il en a vraiment fait autre chose. Il n'avait pas envie de faire des types qui avaient des gros revolvers et qui faisaient pampan, ça. Non. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, il me reste vraiment à vous remercier du fond du cœur, vous qui êtes venu si tôt, après si peu de jours, qui êtes venu nous parler de François Truffaut. Alors, merci Suzanne Schiffman, merci William Lubchansky, merci Yann Dedé, merci Claude de Givray et merci Jean Narbonnier. Et à présent, voici notre générique fin, qui sera désormais le générique fin du cinéma des cinéastes. C'était Le cinéma des cinéastes, hommage à François Truffaut, une émission proposée par Claude-Jean Philippe et diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 octobre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.